tout tourne si. J'suis pas là pour te faire l'amour, vieux sac à foutre, sac à foutre. Je joue à la Play 5 sur mon écran plat, Samsung, la Samsung. Ils m'ont négligé et mis de côté, mais la Samsung. Ils veulent tous essayer de copier le rap, pas de joule. Je navigue dans un navire pendant que ta barre coule. De tes quatre lèvres la baffe coule. Avec moi fais pas le maboule. Tu n'es qu'un baba cool. Un papa poule. Moi je suis Ra's al Ghul. Dans la ligue des ombres je braque la foule. Je mets les gants et la cagoule. Comme à Kaboul. Dans un 4x4 je roule. On peut dire que je suis un arabe cool. Ils reviendront si la cam est bonne. Je suis dans la cuisine et j'assaisonne. Salope j'ai mis le masque à Jason. Dans les souterrains mon blaze résonne. L'empereur de la crasse les sols. Je suis encore dans le coup ça t'étonne. Je veux la même montre que ma démon. Et baiser des putes comme Zac Efron. De retour dans cette pute. Je rattrape le temps perdu. Avant qu'en enfer je brûle. Je manque pas d'envergure. Je m'en tiens au plan doucement, je griffe comme le grand ours blanc. J'exige un remboursement, je l'exige. Je m'en tiens au plan doucement, je griffe comme le grand ours blanc. J'exige un remboursement. J'ai énormément perdu de blé, je suis totalement perturbé. Tout ce que je voulais c'est perdurer, t'es complètement éberlué. J'ai une tâche à effectuer, effectivement je fais tuer des créatures asexuées. J'éjacule asexueux, ces rappeurs affecta ouais, ont des problèmes affectueux. T'as pas voulu la victua, ramène-nous des victuailles. Laisse-moi donc te dire une chose, faut que tu fasses bien gaffe à qui tu causes. C'est Al Capote le virtuose, vas-y suce ma bite si tu l'oses. Montre-moi tes seins, ton bitu rose. Quand je récite une prose, tu sniffes une dose. Tu confonds glucide, glucose, signe pas si tu sais pas lire une clause. Je suis borné, sur ta face j'en vois que des enfants mornés. Je ferai pas de feat avec toi cette année, arrête de forcer. Toujours fonce des côtés passagers, tu ne peux rien faire à part rager. Je vous laisse que des miettes à partager. Salope, je comptais pas m'attacher. 2023 c'est Al Capote, j'ai un nouvel ensemble noir croco. Je vais tout fracasser comme Khal Drogo. Lubrifie ton trou pour la sodo. Je m'en tiens au plan doucement, je griffe comme le grand ours blanc, j'exige un remboursement. Je m'en tiens au plan doucement, je griffe comme le grand ours blanc, j'exige un remboursement.